Cinquième tableau, chapitre 3 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir, par Georges Courteline. Cinquième tableau, chapitre 3. Ce matin-là, sortant de l'hôtel des Trois Boules, où il était descendu. « Il faut pourtant que cette affaire finisse, » se dit le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse, successible legs Kibble pour une paire de jumelles marines et deux chandeliers Louis XIII. Il avait quitté Vanne-en-Bresse quelques écus dans le gousset, et déjà à plusieurs reprises, poursuivi de l'idée fixe de repartir le lendemain muni de ses ampliations, il s'était fait envoyer de l'argent. Des mandats de 50 francs, laborieusement arrachés à l'âpre épargne de la conservatrice. Celle-ci, pourtant, enfin lassée d'une absence qui s'éternisait, avait, en gros et en détail, envoyé les 30 francs du retour avec signification que les sources étaient taries, d'où, pour le conservateur, l'obligation de réintégrer en toute hâte, sous peine de rester en détresse dans une ville où il ne connaissait pas un chat. Il partit donc. Une heureuse combinaison de correspondance le jetant de tramway en tramway l'amena devant la direction des dons et legs qu'il reconnut à son drapeau. Quand nous disons qu'il l'a reconnu, la vérité nous force à confesser ceci, que plutôt il crut la reconnaître et qu'il battit une bonne demi-heure les corridors de l'instruction publique, désorienté de plus en plus, se retrouvant de moins en moins, progressivement étonné, stupéfait, puis abasourdi qu'aucun garçon de bureau ne semblât soupçonner l'existence d'un employé supérieur du nom de la Hourmerie. Il pensait « Ce n'est pas possible, je prononce mal. » Quand il eut compris sa méprise, à un avis placardé à un mur et qui interdisait aux visiteurs l'accès des bureaux de l'instruction publique, il sourit. C'était un homme simple, sans nerfs, malaisément irritable. Il rebroussa chemin. Revenu devant la loge du concierge, il en poussa, d'une main discrète, la porte. La direction des dons et legs ? De haut en bas de l'unique croisée ouverte sur la rue de Grenelle, par où prenait jour la loge du portier, se tendait, parallèles et pressées comme les cordes d'une harpe, un régiment de minces ficelles déjà garnies de verdure touffue. En sorte que, chassés vers elle des flancs vernis d'un coupé de maître qui stationnait devant le porche, la lumière du dehors arrivait en demi-nuit. D'une façon de jour d'aquarium où flottaient des rideaux de lit dans un enfoncement d'alcôve, des portraits de famille, les ors étincelants d'une pendule empire. Le casier du personnel occupait tout un pan de mur, hérissé de lettres et de journaux. « Je vous demande pardon, » répéta, ébloui, le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse. « La direction des dons et legs, s'il vous plaît. » Mais le concierge l'envoya coucher, ou à peu près, entre les mains d'un tailleur accroupi derrière ses jarrets et qui le maniait comme un toton, ce fonctionnaire était en train d'essayer une tunique neuve. Il avait gardé sa casquette, laquelle, couleur bleue de Prusse, était plus vaste qu'une roulette de jeu. De son bras droit, long et tendu, on ne voyait que l'extrémité des doigts hors du bâti grossier de la manche. Et le bras gauche dans le rang, les talons sur la même ligne, il coulait vers une haute glace qui le reflétait jusqu'aux hanches les regards obliques du monsieur qui va être bien habillé et en tire quelque suffisance. Sa réponse fut un aboiement. « Voilà !» Il voulait dire « Ruvano ».« Plaît-il ? » fit le conservateur. Touché et complaisant. Ça fait suite à la rue Bellechasse, la première rue à droite dans la rue de Grenelle, dit le tailleur qui s'était levé et qui hachurait à la craie les reins formidables du concierge. C'est à deux pas d'ici, monsieur. Bien obligé. Le vieillard se remit en route, tourna l'angle de la rue de Grenelle et ne manqua en aucune façon, comme cela était à prévoir, de prendre la direction des cultes pour la direction des dons et legs. Il y erra silencieux quelque temps, finit par se renseigner à un frère des écoles chrétiennes qu'il croisa dans un escalier et dont lui inspira confiance la large figure suiffeuse. Le frère allait rue Oudinot. il convia à l'accompagner le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse, qui se confondait en remerciements. Le malheur fut qu'aux dons et legs, une complication devait surgir. Là, pas de concierge. Ces choses étaient faites pour lui. Le conservateur, de la main, ébranla la porte de la loge emplie de la gaieté radieuse et ensoleillée de midi. Puis, le courant d'air de la voûte le glaçant jusqu'en les moelles, il prit une brusque résolution et s'aventura au hasard. Une muraille soubassée d'un ton de chocolat et où se succédaient, peints en noir sous la mention « gardien de bureau », une série d'index allongés, l'amena à une sorte de chenil que suffisait à encombrer une chaise et une table ruisselante d'huile. De garçon, bien entendu, point. Par trois fois, l'héritier questionna le vide. « Personne ?» Tout se taisait. « Personne ?» fit-il une fois encore. Du coup, une porte s'entr'ouvrit. « C'est insupportable !» déclara sèchement le sous-chef Van der Hogen. « Impossible de travailler, on ne s'entend pas !» Van der Hogen, depuis quelque temps, s'était attelé à une besogne de la plus haute importance. Il avait imaginé de recueillir, en un ouvrage qui ne compterait pas moins de 380 volumes, tous les arrêts rendus depuis 1804 par les cours d'appel de France. À la voix de ce considérable individu, qui ne sonna pas moins formidable à son ouïe que jadis, aux oreilles effarées de la jeune Ève durent sonner les malédictions de l'Éternel, le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse se sentit glacé jusqu'aux moelles. Pris d'un taf énorme de gamin qui a cassé une potiche, il n'insista pas, il fila, s'enfuit au hasard d'une course silencieuse et précipitée, et pareil à un pauvre diable de petit lapin détalant parmi les luzernes la queue salée d'un coup de fusil. Quelle douleur! Une galerie s'offrait, aperçue en sa perspective interminable au-dessus des panneaux de chêne d'une haute porte vitrée. Il y engouffra son émoi, et le soupir soulagé qu'il poussa à en entendre, dans son dos, la porte retombait violemment. Parallèle à la rue Vanneau, cette galerie arrêtait sur toute sa largeur l'aile centrale de la direction. C'était une façon de trait d'union reliant les différents services avec la comptabilité, reléguée, celle-ci, en paria, à l'autre bout de la maison, sans qu'il fût possible de comprendre pourquoi, de trouver l'ombre d'un prétexte à un ostracisme démontant et dont hurlait d'ailleurs l'incommodité. Il prit son temps. Il se tambourina les tempes de son mouchoir tassé en boule, après quoi, le collet du paletot dressé jusqu'au lobe des oreilles, car les murailles crépies à neuf suaient des humidités glaciales, il s'achemina vers des clartés inexplorées aperçues là-bas, tout là-bas, dans un cadre de vitreries rapetissées par l'éloignement. Les ayant atteintes, « Tiens, » fit-il. Il s'étonnait. Entre ses maigres doigts entêtés à l'ébranler, le bouton de cuivre de la serrure résistait. Tourmenté de droite à gauche, il pivotait à peine, manifestement arrêté en sa course par un infranchissable obstacle. Lui se pencha, examina longuement et se redressa enfin, fixé. La porte fermait à secret. Un chef-d'œuvre de serrurerie dont, un instant, il s'efforça en vain de débrouiller le mystère. Il dut revenir sur ses pas. Mais l'autre porte, qu'imprudemment il avait ramenée sur lui dans l'excès de son effarement, s'était, elle aussi, refermée, si bien qu'il se buta à une seconde barrière. Il s'émut cette fois. « Ah, diable, voilà qui est contrariant !» Il s'exténua en de nouveaux efforts, lesquels demeurèrent sans fruit. Alors il songea. « Que vais-je devenir ?» Et il resta, triste rêveur, les yeux fixés sur les bouts aigus de ses souliers. Quatre ou cinq fois, toujours bercé de l'espérance qu'il allait être plus heureux avec celle-ci qu'avec celle-là, il alla d'une porte à l'autre, en une marche patiente et lente de cloporte enfermée dans une longue vue. À la fin, il opta et se posta immobile, le nez aplati à une vitre dont la poussée lui chassait sur la nuque son haut de forme aux bords avancés. Autour de lui, un silence de tombe. En avant de lui, à trois pas, un mur nu dressé sur sa plinthe où s'étalait, en forme d'équerre lumineuse, un coup de soleil venu on ne savait d'où. le lui attendait, tirant de temps en temps sa montre, et convaincu que des employés innombrables défilaient sans interruption à une extrémité de sa prison, tandis qu'il guettait, en vain, à l'extrémité opposée, le libérateur attendu. En même temps, avide de se distraire, il pianotait au carreau. Quelqu'un passa. « Monsieur, monsieur !» Le prisonnier s'était rué sur sa porte. Au vacarme de verre secoué qu'il déchaînait, le passant fit une brusque halte. « Il y a longtemps que vous êtes là ? » demanda-t-il, plein d'intérêt, au conservateur du musée de Vanne-en-Bresse restitué à la liberté. Celui-ci avoua qu'à vrai dire, il y avait un certain temps. « Voilà qui est plaisant !» déclara l'étranger. Le successible poursuivit. « Monsieur, mon histoire est fort simple. Je suis le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse, héritier, pour le compte de cet établissement, d'une paire de jumelles marines et de deux chandeliers Louis XIII, faisant partie de la succession Keble. Depuis longtemps, l'affaire est en instance. Le Conseil d'État, appelé à statuer, a dû se prononcer ces jours-ci, et je suis à la recherche du bureau de monsieur de la Hourmerie, qui doit me donner à cet égard de précieuses informations. Le bureau de monsieur de la Hourmerie, s'il vous plaît. » L'étranger avait écouté avec une extrême attention. Il demanda, étonné. « De monsieur qui ?»« De monsieur de la Hourmerie. » L'homme interrogea ses souvenirs. Cinq ou six fois, entre ses dents, il mâchonna. « La Hourmerie, la Hourmerie, la Hourmerie. »« Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur ?» reprit-il. « C'est le chef du bureau des legs. »« Des quoi ?»« Des legs. »« Des legs ?» Des legs. L'inconnu, l'œil au ciel, cherchait. Bureau des legs, bureau des legs. Enfin, très simple. Je ne peux pas vous dire, fit-il, je suis le fumiste. Ah, pardon. Les deux hommes se saluèrent. Monsieur, il n'y a pas d'offense. Le fumiste, au reste, fut très bien, d'une complaisance empressée qui remplit de confusion le conservateur héritier. Il expliqua que quelques pas plus loin, à un coude du corridor, on trouvait à qui s'adresser. « Un garçon charmant, très gentil, il vous renseignera tout de suite. » Il parlait de Gourgochon, expéditionnaire auxiliaire attaché au 8e bureau. Cet employé, ex-chapelier failli de la rue des Lions-Saint-Paul, entré à 45 ans aux dons et legs par faveur spéciale du ministre auquel l'attachait de lointaines parentés, s'était créé à la direction une spécialité bizarre. Il restaurait et remettait à neuf les vieux chapeaux de ses collègues. De là, des sympathies nombreuses et qu'il enorgueillissait fort. Arrivé dès midi à l'administration, il employait régulièrement sa première demi-heure de présence à battre la maison sur toutes les coutures et à passer le haut de sa face par des portes entrebâillées en proposant d'une voix engageante « Un coup de fer ?» Le coup de fer, naturellement, était toujours le bienvenu. C'était le plus serviable des hommes. En tout temps, devant sa cheminée encombrée de braises ardentes, s'alignaient, la poignée dehors, d'énormes fers à repasser. L'été même, aux chaleurs accablantes de l'août, alors que toute la maisonnée submergeait de cocos tiédis des soifs inassouvissables, il tenait bon, tapant ses fers l'un contre l'autre pour en éprouver ensuite le degré de température à ses jours qu'en perle la sueur. Le conservateur surprit, au moment où, armé d'une façon de brosse à dents, il tentait d'arracher aux ailes d'un melon de feutre une tache récalcitrante, Gourgochon, qui se lança dans une topographie touffue, compliquée de bégaiement, et à laquelle il eût été extravagant d'essayer de comprendre un mot. Le vieillard n'y essaya pas, bien que se récriant à haute voix et louangeant par politesse l'éloquence du fonctionnaire chapelier. Il se retira, désolé et souriant, et repartit à l'aventure. Maintenant, par un corridor interminable aux cassures à angle droit ouvrant soudainement devant lui de nouvelles perspectives de portes closes et muettes, il allait, inquiet et craintif, et très contrarié que ses souliers tapassent ainsi qu'aux dalles sonores d'une cathédrale. C'était là, en effet, pour lui, comme une invisible présence dont s'effarait et s'agaçait sa timidité naturelle. Un mur blanc filé sur sa gauche, percé de 10 pas en 10 pas, de hautes fenêtres fermées à clé. Par ces fenêtres, au passage, il distinguait, plus loin que le vide de la cour, d'autres fenêtres toutes semblables, fermées sur d'autres murs exactement pareils, si bien que son cœur, partagé, flottait entre la vague terreur d'être tombé dans un cercle sans fin et l'espérance qu'un jour viendrait où il en sortirait tout de même. Il en sortit. Un coup de brusque, un escalier se démasqua, une façon de trou à pic où serpentait 20 fois la spirale de la rampe et dont marquait le fond une pomme de cuivre. Celle-ci n'était plus qu'un point clair, l'étincelle d'une pièce de 100 sous tombée au fond d'une citerne. Il n'hésita pas une seconde. Il se hâta vers la descente, mais l'escalier, sans une halte, continu et exaspérant, se déroulait en tire-bouchon sous ses pieds que surélevaient d'épaisses semelles provinciales. Atteint d'asthme, il soufflait un peu. Un hochement de tête mélancolique le révélait plein de tristesse. Fourvoyé, certes, de quoi il ne doutait plus. Pourtant résolu à aller jusqu'au bout, ayant trop fait pour, raisonnablement, pouvoir revenir sur ses pas. Il ne stoppa qu'une fois la dernière marche franchie. Ouf ! Devant lui se carrait une lourde maçonnerie de briques d'où jaillissait toute une complication de tuyaux, tel, d'un cœur, le paquet enchevêtré des artères, et il pensait « C'est le calorifère ?» quand des voix crièrent « Qui est là ?» cependant que deux messieurs apparaissaient, cuirassés du plastron matelassé des prévôts. Ils avaient le fleuret au poing. Leurs masques, aux mailles pressées, leur faisaient de terrifiants visages. C'étaient Douzéphir, commis d'ordre de la comptabilité, et Gripotte, rédacteur aux mains levées d'hypothèques. Venus en cachette faire des armes, ainsi qu'ils en avaient coutume, ils étaient encore tout tremblants de la frousse qu'ils avaient eue, ayant cru à la survenue inopinée d'un des gros bonnets de la maison. Lorsqu'ils virent qu'ils s'étaient trompés, quand ils eurent sous les yeux cette pauvre et douce figure, cette barbe sale et contrite remuée sur de vagues excuses et d'indistinctes explications, leur émotion avortée tourna mal. Ils le prirent de très haut. Gripotte surtout fut dur. Il dit que la cave, où je me trompe fort, n'était pas un endroit à mettre des dossiers. Que l'usage des chefs du bureau n'était point, si je ne m'abuse, de donner audience dans le calorifère et qu'enfin, quand on ne savait pas, on se renseignait auprès des garçons de bureau qui étaient là pour quelque chose, sauf erreur ou omission. Le fleuret tendu vers les éloignements ténébreux de la cave que rayait horizontalement à ras de sol une mince ligne de lumière, il se résuma sèchement. « On sort par là. »« Merci 1000 fois, » balbutia le conservateur. Déjà, il fuyait éperdu, tâtonnant dans la pénombre, butant à des montagnes de coques. Douzéphir, de qui n'était point le cœur inaccessible à la pitié, lui cria de loin. « Il y a un escalier sous le porche qui conduit dans les services. » Un escalier. Il y en avait bien deux, hélas. L'escalier A, affecté à l'usage du personnel, et l'escalier B, réservé au service directorial. Le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse eut une seconde d'hésitation, puis, résolument, opta. Lancé, bien entendu, dans celui qu'il n'eût pas dû prendre. Justement, c'était jeudi. Le directeur était au Conseil d'État, en sorte que l'huissier à chaîne donnait au garçon du bureau un petit 5 o'clock de famille. Sur la morne table, que recouvre le traditionnel tapis vert, et que ne connaissent que trop les solliciteurs familiers des antichambres ministérielles, ces messieurs jouaient des litres de vin au noble jeu de piquet, abattant des 14 en veux-tu en voilà, et des quintes comme s'il en pleuvait, avec la netteté d'esprit des gens qui goûtent la certitude de ne pas être dérangés. L'apparition inattendue du conservateur fut un véritable désastre. D'un bond, la tablée entière fut sur pied. Des bouteilles heurtées croulèrent, des journaux, sortis on ne sait d'où, s'abattirent, grands déployés, sur l'éparpillement des quintes et des 14. Soul à se tuer. « Le directeur n'est pas là !» vociféraient en chœur les garçons de bureau. « Il est au conseil, en séance. Et puis d'abord, ce n'est pas jour de réception. C'est le lundi et le vendredi. Il y a une pancarte à la porte. » À ces aboiements de meute déchaînée, le successible au leg qui bolle battit en une retraite hâtive. « Désolé, messieurs, que de regrets. » Il sortit. Un palier le reçut, mais où aller? Vers un plafond de verre d'où pleuvait, reflété en nappe lumineuse au degré ciré de l'escalier, la clarté crue de l'après-midi. Il guida ses pas hésitants. Avec lui, De marche en marche, grimpait une étroite moquette semée de feuillages noirs sur fond clair, et pareillement Madame Marlborough à sa tour, ils montèrent, l'un foulant l'autre, si haut qu'ils purent monter. Les combles de la maison atteints, le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse promena son regard autour de soi. À droite, à gauche, à l'infini, c'était une perspective de portes closes et muettes, un corridor aux murailles nues, percé de 10 pas en 10 pas de hautes fenêtres fermées à clé. Il comprit. Une fatalité le ramenait à son point de départ. Du coup, il n'hésita plus. Il marcha à une porte et y toqua. Silence. Autre porte. Toc, toc. Même silence. 15 portes qu'il poussa résistèrent closes sur le vide de bureau depuis longtemps abandonné. Mais à la 16e... Oh, pardon. Il était entré dans les lieux et il était tombé sur le père Soupe, lequel, accroupi et le manteau aux mains, dans l'exercice de ses fonctions naturelles, chantonnait pour passer le temps. « Ne parle pas, Rose, je t'en supplie. » Ne parle pas, Rose, ne parle pas. » Alors, le vieux désespéra. Il eut la perception nette d'une volonté supérieure, encombrant de bâtons ses roues et s'opposant à ce qu'il entrât jamais en possession de son dû. Sans doute, il revint sur ses pas et repartit à l'aventure, mais sans ardeur, la foi éteinte, cherchant le bureau du chef des legs avec l'absence de conviction d'un sans-le-sou, qui inspecte autour de soi le pavé pour le cas où un hasard fou lui ferait y trouver 20 francs. Un corridor se présentait, il y entra aussitôt, tomba, et ne s'en étonna pas dans les archives de la direction. Simplement, il pensa, ça devait arriver. C'était une enfilade de mansardes jumelles qu'emplissait le soleil de juillet d'une température de serre chaude et d'une coulée d'or en fusion. La pente rapide de la toiture les lambrissait d'un côté, tandis que le long du mur en face, sous le couronnement de carton qui la crénelait, s'étendait à perte de vue une haie pressée de gros registres. Il y en avait bien 300, tous semblablement habillés du même uniforme vert passé à pattes rouges, rehaussés de cuivreries ternies, donnant par leur alignement l'impression de soldats commandés d'enterrement qui attendent, l'arme au pied, le passage du cortège funèbre. Une mansarde en suivait une autre qui en précédait une troisième, ouverte celle-ci sur la perspective rétrécie d'une succession de nouvelles mansardes. En tout, 12. On pouvait les compter. À distance, aux raies noires espacées sur le clair du plancher par les cloisons de séparation. Le promeneur en traversa 11, atteignit le seuil de la 12e et y demeura, figé de surprise. Une idylle s'offrait à ses yeux. Dans le bain de soleil que déversait sur eux la lucarne soulevée du réduit, Médard, le petit auxiliaire du bureau des fondations, et Ida, la fille du concierge, s'aimaient sur un tas de papier. Oui, ils s'aimaient, mais gentiment étant tous les deux des bébés. Assis côte à côte par terre, montrant plus bas que leur nuque blonde le bras dont chacun d'eux emprisonnait la taille de l'autre, ils discouraient de leur amour, faisaient des projets d'avenir. « Si tu veux, expliquait Médard, nous nous enfuirons en Bretagne. Je connais près de Plougastel un grand bois qui est plein d'oiseaux. Veux-tu y venir avec moi ?» Et la petite, les yeux grands ouverts sur la vision évoquée d'une forêt emplie de nids et de chansons, répondait « Oui, oh oui, je vais bien. » Ils étaient là, comme chez eux. Les paperasses d'un antique dossier dont le jeune homme, d'un coup de son canif, avait fait sauter la courroie, leur mettaient sous le derrière l'épaisseur d'un lit de mousse. Ils se répétèrent 20 fois qu'ils s'adoraient, tombèrent ensuite aux bras l'un de l'autre, en faisant claquer sur leur bouche de ces baisers qui ne finissent plus. « Tiens, mon rat, tiens, mon trésor, tiens, ma reine, tiens, mon bien-aimé. » Le touchant tableau, l'agréable spectacle. Un tigre en eût senti ses yeux s'humecter des larmes attendries. Le conservateur en fut remué jusqu'en les fibres les plus secrètes de son âme. Il comprenait et respectait l'amour, car il en avait bu les joies vers 1843, sur les lèvres en fleurs de la conservatrice alors plus blonde que les blés. Il répugna à gâter tant de bonheur. Il s'en alla comme il était venu, sans bruit, sur la pointe du pied, laissant à la douceur infinie de leur étreinte ces enfants si sages et si purs. Il pensait bien un peu, singulière maison, fertile en dessous inattendus, mais il en avait vu tant d'autres qu'il commençait à s'habituer. Et des corridors déjà vus reçurent à nouveau ce brave homme. Par la solitude cirée et solitaire d'escaliers parcourus déjà, reparut sa silhouette errante, telle, dans les histoires de revenants, on voit errer sous la lune, parmi des arceaux d'abbaye, l'ombre éplorée d'un capucin mort dans l'impénitence finale. Qui l'eût cru ? Un succès éclatant devait pourtant couronner tant d'efforts. Comme, stationnaire sur un palier où l'avait charrié le hasard, le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse hésitait sur ce qu'il allait faire, Chavarax vint à passer. L'amabilité spontanée rentrait dans le programme compliqué de ce personnage. Il s'approcha et, d'une voix tout sucre, « Vous demandez quelqu'un, monsieur » questionna-t-il. « Oui, monsieur, » répondit le vieillard, non sans quelque mélancolie, « mais cette maison est un tel labyrinthe. Bref, je désirerais parler à monsieur de la Hourmerie. » « Parfait, » fit l'employé. « C'est mon chef du bureau et je me rends justement chez lui. Si vous voulez venir avec moi ?»« J'accepte avec reconnaissance. » Une minute plus tard, sur les insistances de Chavarax répétant « Je n'en ferai rien. Après vous, monsieur, passez donc. » Le participant aux libéralités quibolle pour une paire de jumelles marines et deux chandeliers Louis XIII poussait la porte du cabinet où se tenait le préposé aux legs. Il fit un pas, un seul, et oh ! Étendu au milieu de la pièce, le dos dans une mare de sang, gisait monsieur de la Hourmerie que venait d'égorger le tondu. Ce gaillard-là n'avait pas canné dans l'ouvrage. Il avait tapé comme un sourd, de haut en bas, avec une telle autorité que la pointe du couteau de cuisine, dont le cadavre était traversé de part en part, entamait une lame du parquet. Le manche seul apparaissait hors du plastron écarlate de la chemise, de quoi le tondu semblait fort satisfait d'ailleurs, chantonnant une petite chanson et jetant des coups d'œil de biais sur son chef-d'œuvre pendant qu'il s'essuyait les mains à la mousseline des rideaux. Certes, le conservateur du musée de Vanne-en-Bresse en avait vu de toutes les couleurs depuis qu'il avait mis le pied hors de l'hôtel des Trois Moules. Même, entraîné, il avait bien pensé pouvoir compter encore sur de nouvelles surprises. Seulement, de là à une tragédie, ceci passait ses espérances. Un instant muet de stupeur, il se retourna vers Chavarax. « Il faut courir un instant même !» Un dernier étonnement l'attendait. Chavarax avait disparu. Fin du chapitre 3 du cinquième tableau.